laissé, sans peine et sans rancœur. Mon âme délaissée, espérant un jour meilleur. Ça y est, c'est parti, la voilà qui s'installe. À moi cette douleur, cette vie qui m'a fait tant de mal. Je voulais revivre l'histoire du début, le passage où on s'est connu. C'est parti d'un baiser volé jusqu'à un autre qui était voulu. Tous mes secrets j'ai dévoilé, mon intimité mise à nu. Puis avec un autre s'est tiré dans mon cœur, tout était confus. On m'a dit que dans la vie faut jamais regretter. Mais le regret de ma vie est de pas avoir su garder, pas avoir su parler. Viser ton cœur en premier, essayer de discuter sur la raison de me quitter. Tous ces moments passés ensemble, on dirait que tu les as oubliés. Dans les coups durs, il me semble que je ne t'ai pas laissé tomber. Tu m'as dit que tu m'aimais, que j'étais ton confident, ton conseiller. Mais je pense que tu confonds amour pour amitié. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je regrette de ne pas t'avoir dévoilé ce que je ressentais. Pas t'avoir dit assez souvent que je t'aimais. Ma vie sans toi n'a plus aucun sens, bébé. Ouais bébé, je regrette ce que j'ai pu dire ou commettre, je regrette. Ouais, je regrette les coups qui t'ont semblé traîtres, je regrette. Ouais bébé, je regrette ce que t'appelais qu'une amourette, je regrette. Ouais, je regrette, ça peut peut-être te paraître bête, mais je regrette. Ouais bébé, je regrette. Quand je t'ai téléphoné au bout du fil, je suis resté sans savoir quoi penser. De ce que tu venais de m'avouer, je me demandais ce que j'avais fait. Mais il n'y avait rien pour apaiser mon cœur qui saignait sans arrêt. Je ne cessais de repenser au bon moment passé. Que faire pour un retour en arrière, pour ne plus avoir dans la gorge ce goût amer. Sinon plus rien à faire sur cette putain de terre. J'ai plongé dans une abysse noire, noire comme le soir, où rien de douleur et désespoir. Où il n'y a plus rien à croire, là où la vie a changé trop tard. Pour me laisser dans ce monde sombre nommé le pays des hommes. Bébé, je t'aime et je t'aimerai. Même si ton cœur est fermé à clé. Ouais bébé, je regrette ce que j'ai pu dire ou commettre, je regrette. Ouais, je regrette les coups qui t'ont semblé traîtres, je regrette. Ouais bébé, je regrette ce que t'appelais qu'une amourette, je regrette. Ouais, je regrette, ça peut peut-être te paraître bête, mais je regrette. Ouais bébé, je regrette. Sans question dans ma tête, plus envie de fête. Ça toi ma vie, toi ma mère, je veux seulement dire que je regrette pour m'acquitter de mes dettes. J'ai toujours été fidèle, aucun rapport avec une belle. Pour moi t'es toujours ma belle. J'étais blanc comme Ariel, mais il a fallu que le diable s'en mêle. Pour semer en toi le doute, pour te faire changer de route. T'as trop changé, mais j'ai tout essayé. Tout essayé pour te garder, faire comme si rien n'était. Laisser les choses se passer, garder les sourires forcés. Essayer de te parler, m'expliquer, mais apparemment rien n'y a fait. Je t'aimais, tu m'as laissé avec un autre cas, tu t'es cassé. Plus rien peut me consoler, il me reste mes yeux pour pleurer. Ouais bébé, je regrette ce que j'ai pu dire ou commettre, je regrette. Ouais, je regrette les coups qui t'ont semblé traîtres, je regrette. Ouais bébé, je regrette ce que t'appelais qu'une amourette, je regrette. Ouais, je regrette, ça peut peut-être te paraître bête, mais je regrette. Ouais bébé, je regrette ce que j'ai pu dire ou commettre, je regrette. Les coups qui t'ont semblé traîtres, je regrette. Ouais bébé, je regrette ce que t'appelais qu'une amourette, je regrette. Ouais, je regrette, ça peut peut-être te paraître bête, mais je regrette. Ouais bébé, je regrette ce que j'ai pu dire ou commettre, je regrette. Ouais, je regrette les coups qui t'ont semblé traîtres, je regrette. Ouais bébé, je regrette ce que t'appelais qu'une amourette, je regrette. Ouais, je regrette. Ça peut peut-être te paraître bête, mais je regrette.